La grande épidémie par André Rosay. La lune, ayant dépassé les cimes des baobabs et des fromagers géants, commença de planer, disque plat, dans le ciel profond. Un singe, inoccupé sur son observatoire aérien, tendit la main pour jouer avec et, déçu, regardait ses petits doigts noirs à contre-jour. Il lança un grincement de crécelle, se gratta sous les bras, puis, enroulant sa queue sur une branche, se balança dans la fraîcheur du soir. La surface calme du marigot miroitait entre les buissons. Comme les lianes, des serpents d'eau pendaient entre les racines tortueuses des palétuviers, vers la vase étoilée par les pattes prétentieuses des échassiers. Au loin, dans la brousse, des grognements, des cris aigus, timides encore, se faisaient entendre. C'était l'heure à laquelle, dans la grande nuit tranquille, les fauves viennent boire, suivant une immuable préscience née de leur force ou de leur férocité. Le lion d'abord, devant qui tout tremble plus loin que l'horizon, et sa sournoise cousine la panthère. Le rhinocéros, brute myope à l'ouïe fine, l'éléphant qu'on entend galoper de loin, le buffle au méchant caractère, les phacochères, ces dévastateurs qui brouillent l'eau pour les écumeurs que sont l'hyène et le chacal. Et puis les pacifiques, la girafe, grande sotte, obligé d'écarter les pattes pour tendre vers l'eau sa petite tête, les antilopes, aux cent coiffures diverses, fortes comme des poneys ou grêles comme des flamands, les quadrumanes enfin, parents de taille, mauvais camarades et plaisantins versatiles. Un perroquet invisible dit « Il me semble que le roi est en retard. »« C'est qu'il commence à se faire vieux, » insinua un chimpanzé, et aussitôt, par prudence, il grimpa au tronc d'un rognier. « Mais justement le voici !» crie avec l'opportunité d'une commère de revue un hippopotame qui, de l'eau jusqu'au cou, n'en finissait pas de rincer sa large bouche. C'était lui. Il arrivait majestueusement. Sa voix de tragédien à part entière dominait l'immensité nocturne avec une si fière assurance que dans la brousse et sous les noirs feuillages, tout se taira et tout se tut. Quatre lionnes le suivaient, courtisanes serviles aux épaules onduleuses dont les yeux brillaient dans l'ombre. Quand le lion fut en pleine lumière au bord de l'eau, il apparut mal peigné avec des brindilles dans sa crinière et sous chacune de ses pattes un gros paquet de feuilles sèches qu'il traînait péniblement, cherchant mais en vain à s'en débarrasser. « C'est stupide, » gronda-t-il, « me manquer ainsi à moi. » Que les hommes répandent de la glu sur les feuilles à l'orée de la forêt pour rendre le menu gibier fou de rage et le tuer plus facilement, passe encore, mais s'attaquer à moi, à moi. Cette nuit, j'irai dans les villages égorger des bœufs et semer la terreur. » Une hyène ricana au lointain. « Qu'est-elle à rire, cet imbécile ? Ne faites pas attention, sire, » dit une lionne. « Daignez mettre vos pattes à tremper, nous les larrons plus aisément ensuite. » Voyant que le roi marchait avec difficulté, un singe avança la tête sous une feuille. « Vraiment, ces nègres ont osé s'attaquer à votre seigneurie ? Ils ont osé ! Croyant sans doute que j'allais me rouler bêtement, comme fait la panthère, sur les feuilles collantes qui la recouvrent et l'aveugle, la livrant à la merci de leur sagaie. Ils ont déversé là-bas de grandes quantités de glu sur le sol. Je passe avec ces dames à la lisière de la forêt, je rapporte des chaussons bien incommodes. Des chaussons de lisière, sire. Idiot, dit le lion. L'hippopotame, qui avait gagné la rive opposée, remarqua poliment. C'est une engeance terriblement pernicieuse que l'homme. N'ai-je pas, chaque jour, à déjouer ses attaques? Quand les noirs ne placent pas en équilibre sur un arbre le lourd harpon qui me tuera, les blancs m'envoient des coups de fusil, sous prétexte que ma chair est tendre et rappelle celle du veau. Tais-toi donc, si ta chair est tendre, ta peau, dure comme le roc, et qui sert à faire des boucliers, te protège. Tu as un ventre de profiteur. J'en connais de plus à plaindre que toi. Moi, par exemple, cria le perroquet, c'est certainement à moi que votre seigneurie veut faire allusion. Si quelqu'un peut se vanter d'avoir la chair délicate, c'est moi, que les blancs comparent au poulet. Mon plumage, s'il est ravissant, ne me défend pas, hélas, contre les balles. Et vous connaissez ma famille, sire, nous sommes des sentimentaux. Quand une femelle est tuée, son époux se laisse mourir de chagrin. Chaque projectile qu'il porte fait deux victimes. Ouais, ouais, dit le lion, frottant ses pattes sur l'herbe. Vous êtes beaucoup dans ta famille, vous serez toujours assez de bavards. « Mais nous sommes peu nombreux, nous !» se lamenta la girafe. « Je ne mets jamais deux petits au monde en même temps. Nous battons le record de l'altitude, c'est vrai. Mais nous avons beaucoup de mal à élever nos enfants. Ils grandissent lentement. Les Noirs nous chassent pour nous dévorer et notre tribu est en voie de disparition. Que dirais-je alors ? Barrit l'éléphant avec des accents de trombone. Je suis de tous le plus désavantagé par la nature puisque mes défenses me font attaquer. Il y a là un non-sens évident du Créateur. L'homme nous livre une guerre si acharnée que tous les ans, 18 000 des nôtres tombent sous ses coups. Ah, on peut, nous ne serons plus. D'ailleurs, en ce siècle de matérialisme, les intellectuels sont condamnés. Et nous, cria le singe d'une voix frémissante et désespérée, nous, c'est bien plus affreux, nous sommes à la mode. Vous nous avez fréquemment tourné en ridicule, disant que nous nous apparentons à l'homme. Depuis que la femelle du blanc se pare de nos dépouilles pour nous ressembler, c'est épouvantable. On nous traque comme à l'époque de la traite, quand les blancs chassaient les noirs. Hélas, pourquoi la peau de ceux-ci a-t-elle cessé de plaire à ces femmes frivoles ? Pardon, dit le perroquet, je sais de source sûre qu'elles portent encore des chapeaux tête de nègre. Peut-être, mais elles mettent du singe sur leur manteau, sur leur robe, surtout, à la mode. Pauvre ami, susurra le merle métallique, je sais ce que c'est. À la fin du siècle dernier, je passais par les mêmes épreuves. Les élégantes me nichaient, empaillées dans le tulle et les rubans de leur couvre-chef ridicule. Moi aussi, scandalait Grete d'un air distingué, et si je connais actuellement quelques répits, je n'en redoute pas moins un retour offensif de nos ennemis. La vérité, affirma le lion, est que tout va de mal en pis. Feu mon père affirmait qu'il avait connu des jours meilleurs. Les hommes n'ont jamais été bons, mais ils deviennent plus méchants. « Votre vénéré père, que j'ai beaucoup connu, sire, dit l'éléphant, avait parfaitement raison. Je puis parler de la question en toute connaissance de cause, puisque 5 siècles de courses vagabondes à travers la forêt et la brousse font de moi le doyen de cette honorable assemblée. J'ai vécu au temps heureux où les noirs ne me décrochaient que des flèches légères, qui chatouillent à mon épiderme, puis les blancs, qui mettent le tonnerre dans leurs fusils, sont arrivés. Alors nous avons souffert, et davantage d'année en année. » Les blancs ont rendu les noirs plus redoutables, car ils ont apporté de leur pays une horrible épidémie. Une épidémie. Tous les fauves s'approchèrent, et même les antilopes et les gazelles craintives firent quelques pas en avant. Oui, reprit le vieux et savant pachyderme avec mélancolie, c'est le plus terrible des maux. Cela s'appelle la civilisation. Et les bêtes sauvages, frissonnantes, sous la grande lumière bleue nocturne, se glissèrent vers leur tanière, écrasées par la loi mystérieuse qu'elle sentait peser sur le monde. C'était La Grande Épidémie par André Rosay.